note bien tout ce que tu fais. Surtout n'oublie aucun ticket de tes attentions, de ton amour. Nous ferons la note de frais. Sans note de frais, plus de donnant, donnant. Sans note de frais, tout lâcher en acceptant de sombrer, de s'oublier. Sans note de frais, sans note de frais. Les verres qui se retournaient, est-ce à l'autre de rembourser? Mais dans ce cas, ne lui dois-je pas tout ce qu'il donne pour moi? Sans note de frais, plus de donnant, donnant. Sans note de frais, tout lâcher en acceptant de sombrer, de s'oublier. Sans note de frais, sans note de frais. Si tu fais ça, je serai là, sinon ne compte pas sur moi. Cela me remplit d'effroi, c'est mon choix, je ne compte pas. Sans note de frais, plus de donnant, donnant. Sans note de frais, tout lâcher en acceptant de sombrer, de s'oublier. Sans note de frais, sans note de frais. Malgré les douleurs, les sacrifices, je veux que mon choix s'accomplisse. Cette voie peut-être tu la choisiras, mais même malgré toi, je suis là. Sans note de frais, plus de donnant, donnant. Sans note de frais, tout lâcher en acceptant de sombrer, de s'oublier. Sans note de frais, sans note de frais. Je suis rempli d'espoir, mais n'impose aucun devoir. Le vrai sens du mot aimé est enfin de donner sans compter. Sans note de frais, plus de donnant, donnant. De frais, tout lâcher en acceptant de sombrer, de s'oublier. Sans note de frais, sans note de frais. Sans note de frais, plus de donnant, donnant. Sans note de frais, tout lâcher en acceptant de sombrer, de s'oublier. Sans note de frais, sans